Demain soir, la communauté de communes de la ville de Genève, soit près de 210 villes, n'allumera pas la lumière. L'agglomération sera plongée dans le noir de façon à limiter le temps d'une nuit, la pollution lumineuse. Selon les derniers atlas du ciel nocturne mondial, 83% de la population mondiale et 99% des populations européennes et américaines vivent sous un ciel nocturne altéré par la pollution lumineuse et doivent faire plusieurs dizaines de kilomètres pour pouvoir avoir la chance d'apercevoir la Voie lactée. Cette pollution lumineuse est-elle bien connue? Est-elle suffisamment prise en considération? Et comment faire pour en limiter la portée? Pollution lumineuse, un jour sans fin, c'est le programme éclairant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour faire toute la lumière sur ces questions de pollution lumineuse, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Kevin Barré. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue, chercheur au Centre d'écologie des sciences de la conservation du Muséum national d'histoire naturelle. Et Samuel Chaléa, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes chercheur en géographie environnementale, invité au laboratoire Géode à Toulouse et auteur de Sauver la nuit, comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. C'est aux éditions Premier Parallèle. Mais avant d'éteindre les lumières, nous restons encore un instant plein feu sur l'actualité scientifique du jour pour le journal du science de Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la confirmation que la comète Borisov est bel et bien une comète interstellaire. Après l'astéroïde Oumuamua en 2017, c'est le deuxième objet interstellaire détecté dans notre système solaire. L'Ukrainien Gennady Borisov a découvert cet objet le 30 août dernier. Dès les premières images réalisées par l'observatoire Gemini à Hawaï, on distingue derrière lui un léger halo, ce qu'on appelle une coma, qui indique qu'il y a un dégazage, ce qui différencie une comète d'un astéroïde. C'est en mesurant la vitesse de cet objet et l'excentricité de son orbite qu'on a pu s'assurer qu'il ne provenait pas de notre système solaire. Hier, le Centre des planètes mineures l'a officiellement baptisé 2I Borisov, I pour interstellaire. Pour le moment, on ne sait pas grand-chose d'elle. Elle sera au plus proche de la Terre le 8 décembre prochain, à environ 300 millions de kilomètres de nous. On en saura alors plus sur sa composition, sur sa taille et surtout sur ses origines. Francis Rocard est astrophysicien au CNES et responsable des programmes d'exploration spatiale. On a pu déterminer sa vitesse, qui est absolument gigantesque. On est à 41 km par seconde et donc on peut en déduire assez vite l'excentricité de son orbite. Vous savez que l'excentricité, c'est le critère numéro un pour savoir si l'objet est lié au Soleil. Et là, le Borisov a une excentricité non pas de 1, quelque chose, mais de 3,2, je crois. Et donc, nous avons affaire à la première comète interstellaire. C'est effectivement tout l'intérêt de l'objet, c'est que si cet objet est interstellaire, on peut penser qu'il n'a jamais pris le chaud, il n'est jamais passé près d'une étoile, et donc on a affaire à une première activité. Or, la première activité d'une comète, c'est quelque chose qu'on ne voit à peu près jamais, qui est rarissime, et donc c'est extrêmement intéressant, parce que c'est évidemment les molécules les plus volatiles qui vont s'extraire dans la coma les premières. Alors, c'est très important puisque les comètes sont constituées probablement d'à peu près un tiers de glace, essentiellement de l'eau, mais pas seulement, un tiers de matière organique réfractaire et un tiers de roches de type silicate. Et si ces objets ont un tiers de glace, c'est que ces objets ont jamais chauffé. Et donc, ils sont pratiquement inchangés depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années. Donc on peut dire que les comètes sont a priori les objets les plus primitifs du système solaire, en général plus primitifs encore que les astéroïdes. Et on passe au bref du jour. Le GIEC a publié ce matin son rapport sur le réchauffement climatique et ses conséquences sur les océans. La montée du niveau des mers s'accélère, Natacha. L'une des causes principales, c'est la fonte des glaciers. Une fonte qui a doublé ces 20 dernières années, voire triplé pour l'Antarctique. Si rien n'est fait, le niveau des mers pourrait augmenter de 1,10 m d'ici 2100. De plus, les océans continuent de se réchauffer, ce qui provoque leur dilatation et donc une hausse du niveau des mers supplémentaire. Et la hausse des températures entraîne aussi une diminution de leur concentration en oxygène et une acidification des eaux aux conséquences désastreuses pour les écosystèmes marins. Selon ce rapport, 15% de la biomasse marine pourrait disparaître ces prochaines décennies. Une équipe internationale a découvert un nouveau minéral en Afrique du Sud, la goldschmittite. Ce nouveau minéral est incrusté au centre d'un diamant, un diamant qui provient d'un site volcanique et qui s'est formé à plus de 170 km de profondeur sous une température de plus de 1000 degrés. Sa signature chimique ne ressemble à rien de ce qu'on connaît. À cette profondeur, celle du manteau terrestre, les roches peuvent incorporer dans leur structure d'autres minéraux. Son analyse peut aider à mieux comprendre les processus chimiques, encore mal connus, qui se déroulent dans la croûte terrestre. Les détails de cette découverte sont à retrouver dans la revue American Mineralogist. Et comme d'habitude, on vous met sur les liens vers les études et les articles cités sur le fil Twitter de l'émission @lamethodefc. Pour finir ce journal, Natacha, selon une étude parue dans The Journal of Medical Microbiology, le thé vert est un composant efficace pour lutter contre l'antibiorésistance. La super bactérie, la Pseudomonas aeruginosa, a développé des résistances multiples aux antibiotiques, au point d'être considérée comme une menace grave par l'Organisation Mondiale de la Santé. Une équipe britannique a testé cette bactérie en laboratoire avec différents traitements. On constate que l'Astreonam, un antibiotique classique, est beaucoup plus efficace contre cette bactérie quand il est associé au polyphénol, le composant naturel du thé vert. Le polyphénol est un antioxydant et selon les chercheurs, cela expliquerait pourquoi il permet de restaurer l'efficacité de l'antibiotique. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences que vous pouvez retrouver d'ici là sur franceculture.fr, sur la page de la méthode scientifique, ainsi qu'en podcast. À 16h07, nous parlons donc de pollution lumineuse tout au long de 7h dans la méthode scientifique. Saviez-vous qu'à Singapour, l'endroit a priori le plus lumineux au monde, la nuit est si claire que l'œil humain n'éprouve pas la vision nocturne dite scotopique. Il y règne en quelque sorte une forme de jour permanent, un peu comme en Scandinavie en plein été lorsque la nuit ne se couche plus, mais uniquement, cette fois évidemment générée par des lumières artificielles. Comment en sommes-nous arrivés là? La pollution lumineuse est-elle en passe d'être reconnue à sa juste valeur au même titre que la pollution sonore a pu l'être il y a quelques années? Quels effets précis de cette lumière permanente sur les écosystèmes nocturnes, sur la flore mais aussi la faune et en fin de chaîne évidemment sur nous êtres humains? Tout commence comme cela par la volonté de faire de l'éclairage public, d'abord pour réduire le crime et puis petit à petit, écoutez cet extrait de l'heure de la culture française. Nous sommes sur la radiodiffusion française en juin 1957. L'éclairage public est assez ancien, puisqu'une première tentative date à Paris de 1524. Son but initial était évidemment la sécurité, non point celle de la circulation qui disparaissait avec le jour, mais celle des piétons attardés vis-à-vis des attaques à main armée. Une ordonnance de 1667 rendit obligatoire l'éclairage des quelques 900 rues de Paris au moyen de 2800 lanternes. En 1745 apparut la lampe à huile, pourvu d'un réflecteur argenté nommé réverbère. Puis vint le gaz d'éclairage, inventé en 1799 par Philippe le Bon. Le gaz resta longtemps inégalé pour l'éclairage public, avec le bec papillon, puis le manchon OR, enfin le gaz surpressé. Le premier essai d'éclairage électrique de la place de la Concorde au moyen d'arc eut lieu en 1840 sans grand succès. Les véritables débuts de l'éclairage public par incandescence à Paris datent de l'exposition universelle de 1900. Actuellement, c'est encore l'éclairage par incandescence qui équipe la majorité des rues françaises. Mais il est concurrencé par la fluorescence, qui permet à dépense égale un éclairement de la chaussée plus intense et mieux réparti. Au début de cette technique, on craignait les grands froids, qui gênaient alors l'allumage des tubes, mais ces inconvénients ont disparu avec les progrès de la fabrication. Voilà, petit historique, retour sur cette histoire de l'éclairage public en France et à Paris. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce début. Le point de départ initial, c'est de dire bon, on va éclairer les rues pour faire baisser la criminalité. C'est plutôt une bonne idée au départ, Samuel Chalea. Oui, je crois qu'il faut il faut surtout se garder de juger a posteriori avec les lunettes qu'on porte actuellement. Maintenant qu'on connaît effectivement des effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne, les volontés premières d'éclairer la ville qui sont effectivement pour assurer la sécurité des biens des personnes, la circulation et très vite aussi amener une dimension esthétique à la nuit urbaine et au paysage urbain. Kevin Barret, une réaction à cette petite historique de l'éclairage public dans les villes du monde. Je crois que Samuel a assez bien résumé la situation. Tout part d'une utilité au départ, enfin ce qu'on croit être une utilité. Et puis assez vite, alors après je sais pas, je connais pas exactement l'historique, à partir de quand est-ce qu'on arrive sur des dimensions beaucoup plus architecturales et un peu moins sécuritaires, je suis pas un spécialiste de l'historique. À partir de quand surtout commence-t-on à voir apparaître la notion de pollution lumineuse? À partir de quand on se dit, bien tout cet éclairage nocturne, c'est certes bien pour la sécurité, mais ça commence à produire des effets indésirables? Samuel Chalet. Finalement, la question que vous posez là, c'est la question d'à partir de quel moment apparaît l'idée d'excès d'éclairage. Effectivement, cette idée d'excès, elle va apparaître avec la massification de l'éclairage fonctionnaliste et surtout avec la période d'étalement urbain dans les années 1950-1960, période à laquelle les astronomes vont voir se rapprocher de leurs observatoires le front d'urbanisation et avec lui la quantité de lumière qui va finalement venir les acculer et perturber leur observation astronomique du ciel. Donc ça, c'est les années 1950 aux États-Unis, en Europe, avec les premières formes de revendication de rendez-nous les étoiles, sauvons le ciel étoilé, notamment autour des observatoires professionnels. On peut citer l'observatoire de Flagstaff en 1958, l'observatoire de Tucson en 1972. Donc les premières formes de considération de ce problème par la puissance publique, par les communes. Les premiers lanceurs d'alerte, en quelque sorte, dirait-on aujourd'hui, avec un peu d'anachronisme, ce sont les observatoires. Donc c'est vraiment parce que petit à petit, la lumière commence à empêcher les observatoires de pouvoir faire leur travail correctement et d'observer le ciel étoilé. Voilà, si on voulait prendre une image, la lumière ferme la fenêtre sur le ciel étoilé. Non seulement elle ferme la fenêtre, et en plus elle salit le carreau. Donc on est derrière, on ne voit plus rien, on ne voit plus le ciel étoilé. Et donc effectivement, cette revendication à la base, c'est une revendication sectorielle, c'est-à-dire c'est une revendication d'une catégorie d'acteurs bien particulière, les astronomes professionnels, et puis ça va ensuite se diffuser aux astronomes amateurs, aussi parce que les astronomes professionnels lâchent le terrain et ils partent vers l'hémisphère sud, ils partent vers des cieux qui sont, du point de vue météorologique, climatologique, plus intéressants, et puis l'instrumentation spatiale par la suite, mais donc ils lâchent le terrain, mais ils redonnent le bébé aux astronomes amateurs, et puis les astronomes amateurs vont tenter de faire coalition de causes en ralliant à eux, par la suite, les écologues, les médecins, les problématiques sanitaires, la chronobiologie, etc. Voilà. C'est comme ça que se constitue une coalition de causes qui porte le problème. À partir de quand, justement, est-ce que ça bascule du camp des mains, entre guillemets, des astronomes amateurs ou professionnels à des questions qui commencent à relever de préoccupations de santé publique, d'environnement, d'écologie? Alors en fait, je pense que dès le départ, dès les années 1960-1970, on est quand même dans un contexte de pensée, de réémergence de la pensée environnementale, des questions environnementales et de l'écologie politique. Dès le départ, on a quand même cette considération pour les problématiques environnementales, mais les travaux des écologues vont surtout commencer à arriver dans les années 1980-1990. Donc c'est là que ce qu'on appelle le Dark Sky Movement, ce mouvement pour la protection du ciel étoilé, et maintenant pour la protection de l'obscurité d'une façon plus générale, va s'ouvrir à d'autres enjeux que le seul ciel étoilé. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la pollution lumineuse est en quelque sorte, pourrait-on dire, bien circonscrite? On dit qu'en France, eh bien, on a une législation qui est particulièrement sensible au problème. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend en considération ce que la pollution lumineuse peut constituer comme dégâts au sens le plus large du terme, à votre avis, Samuel Chalet? Disons qu'on essaye, en tout cas, c'est déjà pas mal, de la prendre en considération. On n'a encore pas une connaissance parfaite des dommages générés par l'éclairage artificiel nocturne. Donc ça, c'est un premier problème. Comment légiférer en état d'incertitude? Mais on est aussi face à une pollution diffuse. Donc pour l'instant, le problème, c'est qu'on préserve l'obscurité dans des endroits déjà relativement épargnés par la lumière artificielle, mais on ne sait pas encore très bien quoi faire dans les centres urbains, là où on a conflit entre les besoins de lumière d'un côté et les besoins d'obscurité de l'autre. Vous avez le sentiment, Kevin Barret, aujourd'hui, que, en tout cas même d'un point de vue scientifique, l'étude de cette pollution lumineuse aujourd'hui a trouvé un écho, vous-même, sur vos travaux, on commence à se saisir de ce problème de manière effectivement assez sérieuse et assez scientifique, simplement? Oui, évidemment, l'altération de l'obscurité en sciences de la conservation et écologie, donc certes, démarre dans les années 90, mais on a une vraie explosion des travaux, on va plutôt dire il y a une dizaine d'années maximum, avec une croissance vraiment exponentielle des travaux en tout type. Quoi. C'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur une grande diversité de taxons et sur une grande diversité de ce qu'on appelle des métriques en écologie, donc à la fois le comportement des espèces, leur abondance, leur répartition spatiale, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il faut un peu mener de front pour comprendre exactement comment se... Et donc, on a une réelle émergence avec, évidemment, et ça, c'est évident, du bruit de plus en plus fait par ces travaux-là, que ce soit dans les médias ou auprès de structures beaucoup plus professionnelles et institutionnelles. Je le disais en tout début d'émission, est-ce que la pollution lumineuse aujourd'hui est en train de trouver l'écho qu'a pu trouver la pollution sonore, qui est aujourd'hui bien identifiée avec des politiques publiques pour réduire au maximum les nuisances, comme ça a pu être le cas quoi, il y a une dizaine, une vingtaine d'années peut-être pour la pollution sonore? Oui, effectivement, je pense, reste à faire attention à ce que le soufflet ne retombe pas comme il a pu retomber face à la pollution sonore à partir du moment où on a installé des murs anti-bruit autour des périphériques et puis on s'est dit ça y est, le problème est réglé. En fait, c'est toujours un peu l'enjeu, c'est est-ce qu'on traite le problème par des nouvelles solutions techniques, voire technicistes qui génèrent parfois elles-mêmes de nouveaux problèmes, ou est-ce qu'on s'attaque au problème à la racine? Le problème à la racine pour le bruit, par exemple, généré par les automobiles, c'est l'automobile. Donc si on ne traite pas l'automobile, ça va être compliqué. La question de la lumière, c'est pareil. On peut trouver des technologies de remplacement, ce qu'on appelle les technologies flexibles d'éclairage, qui nous permettent aujourd'hui d'éclairer au moment où on veut, à l'endroit où on veut, de façon très précise, avec le spectre qu'on veut, etc. Sauf que ça reste un point lumineux. Donc la question, est-ce qu'il ne faut pas la déplacer vers, ne faudrait-il pas aller vers une forme de décroissance dans nos usages de l'éclairage artificiel? France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h17 sur France Culture, nous parlons donc de pollution lumineuse tout au long de cette heure en compagnie de Kevin Barré et de Samuel Chaléa. De quoi parle-t-on d'ailleurs précisément quand on parle de pollution lumineuse? Qu'est-ce que cette terminologie décrit exactement, Samuel Chaléa? Alors, pour le faire de façon très concise, la pollution lumineuse, c'est l'ensemble des effets négatifs avérés de la perturbation des régimes naturels de luminosité par nos usages de lumière artificielle. Bon, c'est un peu compliqué, un peu barbare. Moi, j'ai tendance à rentrer par la notion de besoin. En fait, c'est l'altération de nos besoins d'obscurité. Quand je dis nos, c'est pas seulement nos besoins humains, ce sont aussi des besoins non humains. Et ça, Kevin en parlera beaucoup mieux que moi. Mais on montre aujourd'hui que la faune, la flore, les écosystèmes ont des besoins d'obscurité. Donc finalement, quand on altère nos besoins, alors ces besoins, ils sont de trois ordres. Je les classe de trois ordres. Des besoins d'ordre socioculturel, la visibilité du ciel étoilé par exemple, les enjeux scientifiques, les enjeux culturels, les enjeux historiques, poétiques, etc. qu'on a face au ciel étoilé. L'observation auditive aussi, ça peut être par l'ouïe, des paysages nocturnes sauvegardés. Donc des enjeux socioculturels, des enjeux écologiques, d'autre part, et puis des enjeux sanitaires. Donc trois besoins d'obscurité qui... Cette pollution lumineuse, c'est un tout, elle est catégorisée, on peut parler de différents types de pollution en particulier, de différents types d'éclairage qui sont plus ou moins nuisibles ou nocifs à l'environnement. Samuel Chaléa? Ah bah oui, après on peut rentrer plus finement dans les détails et analyser les effets négatifs spécifiques dus à tel type de source lumineuse, notamment avec la LED actuellement. C'est la grosse question, l'éclairage par les technologies LED. C'est pas une seule technologie, c'est un ensemble de technologies qui utilisent les diodes électroluminescentes dans l'éclairage et qui émettent avec un pic de bleu et sur un spectre d'émissions très très très large. Mais je pense que le principal message à passer, c'est quand même l'entrée par les besoins. On a des besoins d'obscurité, il s'agit maintenant de mieux les connaître et il s'agit de les mettre dans la balance face à nos besoins de lumière. Alors justement, ces besoins d'obscurité, quels sont-ils? Il y a en 2001 un atlas qui a été publié dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Cet atlas, il a été remis à jour en 2016. Qu'est-ce qu'il dit en quelque sorte en fait, cet atlas? Alors cet atlas, il faut le voir avec deux niveaux de lecture. Le premier niveau de lecture, c'est effectivement le rôle d'un atlas, c'est de spatialiser l'information, cette nouvelle forme de pollution qui n'avait encore jamais été spatialisée, cartographiée à l'échelle internationale, et puis cet atlas nous permet d'avoir des statistiques, et effectivement, il nous donne les pourcentages que vous avez donné tout à l'heure, de tant de pourcents, de deux tiers de la population nord-américaine ou européenne qui ne voit plus la Voie lactée, 99% de la population européenne qui vit sous un ciel un tant soit peu entaché de pollution lumineuse. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture. C'est déjà connaître une nouvelle forme de pollution. Le deuxième niveau de lecture, c'est de prendre cet atlas dans sa dimension politique, de politisation des sciences. Cet atlas, il a permis de publiciser cette question de la pollution lumineuse, qui jusqu'à présent restait un problème expert, un problème d'initié, un problème d'astronome, un problème d'écologue, de médecin, qui s'y connaissait. Voilà. Mais effectivement, un atlas, il n'y a rien de mieux pour publiciser un problème, puisque tout le monde va se dire « Ah, et chez moi, j'habite, ouais. Et chez moi, c'est comment ? Et puis là où j'étais en vacances, c'était comment ? Ah oui, effectivement, je voyais plus les étoiles. » Donc il y a un vrai enjeu, deux dimensions, à mon avis, hein, dans cette classe. Alors, Kevin Barret, je me retourne vers vous, effectivement, sur l'étude et les conséquences directes de cette pollution lumineuse. On va commencer par parler de la faune. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que ça provoque, finalement, de trop éclairer, qu'une ville soit éclairée, qu'il y ait des réverbères dans toutes les rues de Paris ? En fait, quel est le problème que ça... Quels sont les premiers problèmes, en tout cas, qui se répercutent sur les écosystèmes animaux ? Alors, c'est assez complexe à comprendre. C'est-à-dire qu'on a des problèmes qui sont assez incompatibles, en fin de compte. Déjà, classiquement, on a vraiment l'altération des rythmes. Alors, c'est-à-dire que la lumière, en fin de compte, est quasiment aussi importante que l'eau. Que l'eau pour les êtres vivants, quoi. Donc, c'est-à-dire que on va modifier le rythme des êtres vivants, leurs besoins d'alternance, de sommeil, d'activité, etc. Donc on a des oiseaux en ville qui se retrouvent à chanter en pleine nuit, qui, avec de la dépense énergétique, évidemment qui sont plus fatigués en journée, qui se reproduisent moins bien, etc. Donc on a un problème qui va déjà être à l'endroit même où on éclaire, et on va avoir un problème aussi plus spatial, c'est-à-dire qu'on va déjà un peu isoler, pour rester sur l'exemple des oiseaux, on va isoler un peu les populations qui sont en dehors des villes, donc pas soumises à l'éclairage, des populations qui sont plutôt en cœur de ville, puisqu'on va générer en fait des rythmes d'activité qui vont être un peu décalés. Donc des conséquences probablement génétiques derrière, mais c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire qu'on a aussi des espèces qui vont profiter de la lumière. Mm-hmm. Du moins, c'est par exemple. Alors, bon, je vais aller sur ce que je connais le mieux, les chauves-souris. Donc, je pense que beaucoup de gens ont fait cette expérience-là, hein, sous un réverbère, d'observer donc des chauves-souris en train de voler. Et c'est un peu trompeur puisque effectivement, on a des individus qui, de certaines espèces, hein, seulement, qui viennent profiter de la ressource alimentaire. Donc, vous savez, enfin, je pense que beaucoup d'auditeurs savent que on attire énormément de papillons et autres insectes donc avec de l'éclairage. Mm-hmm. Donc on a des individus de chauves-souris qui viennent se nourrir et qui profitent de cette lumière-là. Et puis en creusant un peu plus, on se rend compte que finalement, on a quand même des perturbations fortes comportementales avec des individus qui sont pas si sereins que ça, en fait, à l'approche de la lumière, avec des comportements qui deviennent un petit peu anormaux. Erratique, parce que c'est vrai qu'on pourrait penser au premier abord que finalement, les réverbères attirent les papillons, les insectes de nuit. Finalement, c'est un garde-manger pour les chauves-souris, donc elles pourraient en bénéficier parce que ça concentre, ça facilite la chasse. Et donc, puisqu'elles peuvent se nourrir plus facilement, elles gardent de l'énergie pour faire d'autres choses. Exactement. C'est pas le cas. Alors, c'est le cas pour une minorité d'individus. C'est-à-dire que sous un lampadaire, autant on peut mettre 4000 papillons, autant on peut pas mettre plusieurs centaines de chauves-souris. C'est pas possible parce que les chauves-souris, bon, on est vraiment en haut de chaîne alimentaire sur des prédateurs qui sont insectivores, donc on a une réelle compétition en fait dans l'espace aérien. Il n'y a pas de la place pour tout le monde n'importe où. On a une compétition acoustique puisque les individus chassent essentiellement en utilisant donc leurs ultrasons, les colocations. Donc on a une réelle compétition en fait, ne serait-ce qu'acoustique, sonore dans l'espace aérien. Donc on peut pas mettre un nombre illimité de chauves-souris sous un lampadaire. Pour autant, on attire tous les insectes en fait d'un paysage donné, y compris les insectes qui vont être un peu sur les bordures moins éclairées, sous une source lumineuse. Donc on concentre la nourriture, ce qui a un impact d'une part sur cette nourriture-là, parce qu'on sur-sélectionne en fait, on contre-sélectionne ce type de proie-là. Et ce qui fait que pour le reste des chauves-souris qui elles vont être plus lucifuges, donc ils vont fuir à la lumière, on se retrouve avec des paysages finalement beaucoup appauvris en quantité de ressources alimentaires. Et en fait, ça c'est quand même un début d'explication, une hypothèse qui explique que dans nombre de travaux scientifiques, on observe souvent des effets plutôt positifs, enfin qui peuvent être positifs, à l'échelle d'un lampadaire, quand on mène des expérimentations sous les lampes, et des effets qui vont être fortement négatifs dès qu'on va passer à une échelle qui est beaucoup plus départementale, régionale, nationale. Oui, un mot, Samuel Chalère. Oui, je crois qu'en plus, enfin, pour aller vraiment dans le sens de Kevin, en plus, reste de toute façon que l'effet généré soit positif à une échelle, négatif à une autre, reste la notion de perturbation. Voilà. À partir du moment où on perturbe le fonctionnement normal d'un système, on perturbe le système par effet systémique. Donc, c'est d'où l'entrée par les perturbations, qui est à mon sens importante. Et quand on parle de chauve-souris, regardez qui se profile dans l'ombre du studio. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez revêtu votre cape d'ombre pour aller étudier ces animaux qui vous tiennent tant à cœur. Oui, les chauves-souris. J'ai rencontré Clémentine Azam, qui est écologue et responsable du pôle écologie à l'Office national des forêts. Il y a quelques années, Clémentine Azam a fait une thèse au Muséum d'histoire naturelle qui posait la question des effets de la pollution lumineuse sur les chauves-souris. Elle nous explique comment ces détections de présence et de degré d'activité des chauves-souris ont pu être réalisées et ce qui a pu être établi à partir de ces études. On a travaillé uniquement sur les chauves-souris, parce que ce sont des espèces qui sont un peu considérées comme des bio-indicateurs de la bonne santé des écosystèmes, disons. Et puis de là, comme elles sont insectivores, donc à un niveau trophique assez élevé, on peut du coup émettre des hypothèses sur les impacts de la pollution lumineuse sur leur proie. Et donc voilà, essayer un petit peu d'avoir un indicateur indirect de l'impact de la pollution lumineuse sur les insectes et ensuite voilà, et de regarder vraiment précisément aussi sur les chauves-souris, quoi. Alors si on rentre dans le détail, comment vous les avez étudiées nuit après nuit et non pas jour après jour ? Voilà. En fait, on utilise principalement des outils de détection acoustique, puisque les chauves-souris émettent des ultrasons, donc font de l'écholocation pour se déplacer dans l'espace. Donc elles émettent en continu en fait des ultrasons pour en fait pouvoir ensuite entendre l'écho du son qui revient et donc évaluer les distances des objets. Et donc nous, les scientifiques chiroptérologues, donc qui travaillent sur les chauves-souris, on utilise en fait des outils d'enregistrement des ultrasons, des outils de détection acoustique, pour en fait détecter la présence et mesurer des niveaux d'activité de ces espèces. Parce que chaque espèce ensuite a une signature acoustique propre, et donc en analysant ces sons, on peut ensuite déterminer quelles espèces étaient présentes et dans quel niveau d'activité. Ça c'est pour le son, et pour la lumière, à quel endroit vous avez situé ces microphones par rapport aux sources de pollution lumineuse et qu'est-ce que vous en avez tiré ? Donc en fait, on a travaillé à deux niveaux. Donc on a fait un premier travail qui était vraiment à échelle nationale où on utilisait des bases de données nationales de suivi participatif des chauves-souris. Donc c'est par le biais de la plateforme VigiNature, donc des sciences participatives. Donc on a utilisé le programme VigiQuiro pour essayer de voir à échelle nationale l'impact de la pollution lumineuse. Et donc là, pour mesurer la lumière, on prenait en fait des photos satellites qui ont été prises de nuit. Donc là, c'était vraiment une mesure de lumière à échelle nationale. Et ensuite, on a plutôt mené des expérimentations à échelle locale et où là, en fait, on menait un échantillonnage à parier où on était vraiment à mesurer l'activité de chauves-souris en simultané sous un lampadaire et sous un contrôle, enfin une zone similaire d'un point de vue de l'habitat mais non éclairée. Et là, on a regardé différents régimes lumineux, différentes durées d'éclairage et tout ça. Et on a testé différents paramètres lumineux comme ça et toujours en le comparant à un contrôle négatif en fait sans lumière pour voir les différences que la lumière pouvait engendrer. Et quels résultats globaux vous avez obtenus à partir de ce dispositif ? Alors, à partir sur l'échelle nationale, déjà notre premier questionnement c'était de se dire est-ce que finalement si on considère l'ensemble des menaces de la biodiversité actuellement, l'agriculture intensive, l'urbanisation, est-ce que la pollution lumineuse est un phénomène négligeable ou pas ? Donc là, clairement, on a trouvé que ça ne l'était pas. Il y a vraiment un effet additionnel fort de la lumière, donc c'est-à-dire que la lumière exacerbe les impacts négatifs de l'artificialisation des sols et que finalement, si on ne prend pas en compte cet impact-là, on sous-estime certainement l'impact de l'urbanisation sur la biodiversité. Ça, c'était le premier point. Et ensuite, sur nos expérimentations qui étaient beaucoup plus, disons, opérationnelles, qui avaient des visées vraiment opérationnelles, on a estimé, en fait, des distances d'impact de lampadaires. C'est-à-dire que si on a un corridor écologique ou un espace naturel, une zone qu'on veut conserver pour la nature, on a estimé qu'il fallait espacer d'au moins 50 mètres les lampadaires de ces espaces-là pour que ceux-ci ne soient pas impactés par la lumière. Et ensuite, on a voulu aussi mesurer si l'effet de l'extinction nocturne. Il y a beaucoup de communes en milieu rural qui se mettent à éteindre de 23h minuit à 5h du matin. On a voulu voir si ça avait un effet notable sur la biodiversité. Et à vrai dire, on n'a pas trouvé d'effet significatif sur l'activité des chauves-souris. C'est-à-dire que voilà, les zones qui étaient éclairées en début de nuit gardaient des niveaux d'activité très faibles, même si la lumière s'éteignait par la suite. On s'attendait quand même à un effet positif, parce que ça voulait dire qu'au moins pendant une partie de la nuit, elles avaient accès à des territoires de chasse additionnels, parce que du coup on éteignait la lumière, donc ça faisait un gain d'habitat. Mais il y a deux hypothèses pour expliquer ça. Soit c'est que les chauves-souris sont actives principalement en début de nuit, et c'est à ces heures-là où les lampadaires restent allumés, donc finalement l'heure d'extinction ne coïncide pas avec leur rythme d'activité. Donc ça, c'est une première hypothèse qui sous-entendrait que cette mesure n'est pas efficace pour les chauves-souris. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas pour d'autres taxons. Et d'un point de vue énergétique, c'est aussi très bien. Mais l'autre hypothèse, c'est peut-être juste qu'on l'a fait un petit peu trop tôt, c'est-à-dire que c'était des schémas d'extinction qui étaient là depuis un an ou deux, et peut-être que les chauves-souris ne s'étaient pas encore habituées à ce changement de régime lumineux, parce que ce sont des espèces qui sont très routinières. Elles ont tendance tous les soirs à aller aux mêmes endroits, et elles ont un rythme de reproduction lent. Donc en fait, le temps que finalement ce soit intégré dans la population, que les générations d'après aillent coloniser en fait ces nouvelles niches écologiques obscures qui sont présentes pendant une partie de la nuit, bon, peut-être ça met plus de temps. Et si on refaisait l'expérience maintenant, on aurait peut-être un effet qui serait on détecterait peut-être un effet. Voilà le reportage du jour sur l'effet de la pollution lumineuse sur ces populations de chauves-souris, la façon de les étudier, et puis quelque chose assez intéressant de votre réaction simplement, Kevin Marais, que vous venez d'entendre. Ben moi, ce que je retiens d'important, c'est que une des expérimentations de Clémentine consistait à tester un schéma d'extinction. Donc on passe vraiment dans le côté très opérationnel de possibilité de réduction de l'impact. Et malheureusement, il semblerait pas que ces schémas-là soient très efficaces. C'est ce qu'on entendait à la toute fin du reportage. Voilà. Et donc moi, ce qui me semble, alors à mon avis, l'hypothèse d'une activité principalement concentrée en début de nuit est l'hypothèse la plus probable. C'est-à-dire que en fait, on n'éteint pas forcément au bon moment, mais ceci étant, si on éteint à 21h, quel est l'intérêt d'allumer finalement? Enfin, ça c'est une autre question sur la temporalité quoi. Au cours de la nuit de l'éclairage. Et la deuxième hypothèse, elle est assez intéressante. Elle parle en fait d'un apprentissage qui prend du temps, et donc c'est vrai, hein, on est sur des mammifères qui avec une vraie transmission du savoir. Et donc ce qui est intéressant, c'est que depuis cette étude-là, donc d'autres études ont été menées, notamment par nos confrères hollandais, et il semblerait que finalement, dès qu'on éteint une source lumineuse, en fait, la réaction est immédiate, quoi. C'est-à-dire qu'on a une chute dans les quelques secondes qui suivent de l'activité en chauve-souris. Enfin, en tout cas, là, en parlant des chauves-souris attirées par la lumière. Peut-être, pareil, Samuel Chalet, une réaction à ce que vous venez d'entendre et à ce reportage? Oui, bah c'est effectivement intéressant pour le géographe et l'aménageur, parce que ça pose question. Effectivement, on sait, l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne dit qu'aujourd'hui avance le chiffre de 12 000 communes qui pratiquent l'extinction partielle ou totale durant la nuit, en milieu de nuit ou durant toute la nuit. Reste que ces pratiques, effectivement, font évoluer les mentalités. Mmh. Alors, peut-être que ça n'a pas totalement les effets escomptés. Même si on se rend compte, comme dans le reportage en l'occurrence, que ça ne fonctionne pas immédiatement, ou en tout cas ça ne fonctionne pas immédiatement comme on souhaiterait que ça fonctionne ou comme on l'imaginerait. Comme on souhaiterait que ça fonctionne, comme on l'imaginerait, mais sur les taxons étudiés, hein, Clémentine l'a bien spécifié, il y a peut-être des effets positifs pour d'autres taxons. Mais en tout état de cause, ça publicise le problème, ça le fait rentrer dans les consciences, notamment chez les élus, qui commencent à regarder leur éclairage. Tout simplement parce que jusqu'à il y a 10 ans, les élus ne se posaient pas la question de leur territoire la nuit, de leur éclairage public. Ils commencent à le regarder maintenant. On en reparlera parce que ça a aussi évidemment d'autres conséquences, notamment en termes de consommation énergétique. Peut-être un autre mot, Kevin Barré, pour étendre un peu, parce que là on a parlé beaucoup des chauves-souris, on a parlé un peu des insectes, mais l'éclairage nocturne, ça détraque tout le monde, y compris les animaux diurnes, c'est-à-dire que ça touche vraiment un très grand nombre de taxons. Est-ce qu'on a une visibilité un peu globale ou est-ce que c'est encore au cas par cas? Alors c'est beaucoup de cas par cas. On a encore à l'heure actuelle rarement d'études un peu généralisées, transversales à beaucoup de taxons. On va dire que les études les plus transversales, c'est les études qui vont un peu coupler à la fois la flore et les insectes qu'on trouve sur la flore. Bien sûr, parce qu'on parle, on parle de la faune, mais il y a la flore est elle aussi évidemment perturbée, et les rythmes, notamment les rythmes circadiens que l'on peut trouver évidemment chez un grand nombre de plantes, sont aussi évidemment détraqués. Ce qui est tout à fait surprenant, c'est que si on prend le cas des plantes, c'est qu'on va à la fois avoir en fait une altération de la qualité et le nombre de fruits, par exemple pour les plantes à fleurs, qui va en fait a priori être liée à l'impact sur les pollinisateurs, mais pas que. En fait, on se rend compte que, par exemple, si on prend l'exemple de plantes qui ne sont pas dépendantes de pollinisateurs comme les graminées, en fait, on a aussi un impact sur la croissance avec des phénomènes de sous-croissance et donc un impact sur le nombre de fruits et la capacité finalement de l'espèce à perdurer. Alors on a tendance à penser qu'en ville, bon, les plantes c'est moins important puisque de facto il y a moins de plantes en ville que dans la nature, mais par ailleurs dans les communes rurales il y a des réverbères qui sont allumés toute la nuit, tout le temps, et qui sont à proximité aussi de plantes, donc ça aussi là, c'est des effets qui sont pas simples à quantifier, j'imagine, Samuel Chalère. Oui, bah typiquement on peut penser aux réverbères qui éclairent les entrées de villages, les départementales, les fameuses départementales qui vont traverser les villages et puis qui sont bordées de platanes ou de plantes. Mais là encore, je crois qu'il faut bien garder en tête. Il y a des changements de pratiques professionnelles à impulser, et ça prend forcément du temps. Et puis il faut garder en tête qu'aussi une commune, quand elle investit dans son éclairage public, c'est pour une temporalité à 20, 25, voire 30 ans. Et donc forcément, c'est le temps que le savoir scientifique innerve les pratiques professionnelles et les pratiques en termes d'aménagement, ça prend du temps. D'autant plus quand ce savoir scientifique n'est pas encore forcément très bien stabilisé. Call de Kavinsky sur France Culture à bientôt 16h40 pour parler de la nuit et de la nuit éclairée, trop éclairée, de la pollution lumineuse. Nous en parlons tout au long de cette heure en compagnie de Kevin Barret, qui est écologue, chercheur au Centre d'écologie des sciences de la conservation du Muséum National d'Histoire Naturelle, et avec Samuel Chalea, qui est chercheur en géographie environnementale, invité au laboratoire Géode à Toulouse et auteur de Sauver la nuit, comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. Une question évidemment, puisqu'on a parlé de la faute de la flore, Samuel Chalea, bien la suite c'est nous, les effets de cet éclairage, de cette pollution lumineuse sur la santé humaine, ils sont connus, ils sont quantifiés, ou est-ce qu'il y a encore quelques zones d'ombre à ce propos? Alors ils sont en partie connus, en partie quantifiés, mais il y a encore quelques zones d'ombre, comme dans tout objet de recherche en pleine effervescence. Là il faut bien retenir deux choses, séparer deux choses. Il y a l'éclairage domestique d'un côté, ce qui se passe dans nos intérieurs, avec des niveaux de lumière à 150 lux dans une cuisine par exemple, à 100 lux dans une chambre, et puis surtout avec ces nouveaux écrans, cette nouvelle lumière, notamment ces écrans rétroéclairés par LED qu'on apporte jusque dans nos lits. Ça c'est une chose. Mais c'est domestique entre. Voilà, mais c'est une forme de la pollution lumineuse. Hein, on est bien sur une perturbation par la lumière. On sait ça, que ça perturbe très fortement. Vous avez parlé de rythme circadien tout à l'heure, donc on sait que ça perturbe très fortement notre horloge biologique interne, avec des retards à l'endormissement, avec du stress, avec des risques d'obésité accrus si on s'expose le soir avant d'aller s'endormir à la lumière artificielle, ce qui amène un chronobiologiste comme Claude Gronfier à parler d'hygiène lumière, hein, chronobiologiste à l'INSERM. J'invite d'ailleurs les auditeurs à aller voir sur internet ces conférences en ligne. On va mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, et on l'avait reçu d'ailleurs dans la méthode scientifique, on va remettre ça sur le fil Twitter @lamethodefc. Voilà, et puis ensuite il y a la question de l'éclairage intrusif. Il y a la question en fait des faibles niveaux d'intensité lumineuse et de ces effets sanitaires, de ce halo ce jour permanent, donc cette espèce de jour permanent dans lequel nos villes sont nimbées. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais en même temps, les travaux récents des chronobiologistes, et notamment de l'équipe de Claude Gronfier, montrent que même à des niveaux très très faibles, de l'ordre de quelques dizaines de lux, on inhibe déjà en bonne partie, entre 10 et 50% de la sécrétion d'une hormone un peu particulière qu'on appelle l'hormone de la nuit. La mélatonine. Mmh. Voilà, la fameuse mélatonine qui permet d'ouvrir un petit peu la porte du sommeil en début de nuit. Et donc, si la sécrétion est perturbée, bah, c'est la qualité du sommeil derrière qui s'en trouve altérée. On imagine que là aussi, les populations qui souffrent le plus de pollution lumineuse, il y a un gradient social où on est plus exposé quand on n'a pas les moyens de faire le noir complètement chez soi, quand on habite à côté ou dans des étages bas à côté d'un réverbère. Alors je vous remercie d'effectivement introduire cette notion qui renvoie à la problématique de la justice environnementale finalement. Et c'est bien pour ça que c'est à la puissance publique de se saisir de ce problème. Parce qu'on pourrait dire, bah en fait renvoyons ça aux individus. C'est les individus qui doivent installer des volets et puis développer cette hygiène lumière. Non, cette hygiène lumière c'est un problème d'ordre public. Hein, c'est un problème de politique publique environnementale. Kevin Barré, un mot à ce propos sur la pollution lumineuse et sur les conséquences que ça peut avoir sur la santé humaine. Bah je pense que Samuel a un peu fait le tour hein, de ce qui est connu. Moi, c'est vraiment pas ma spécialité, mais je rejoins un peu c'est sûr que la sécrétion de mélatonine est un peu au cœur de l'ensemble des préoccupations, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que dans le règne animal au sens large hein, et végétal, il n'y a pas une horloge biologique. Hein, l'horloge qui règle l'alternance jour-nuit, c'est pas l'unique horloge. Je pense que ça se limite absolument pas juste à la sécrétion de mélatonine, mais c'est le problème un peu central. Ouais. Oui, Samuel Chalère. J'ai peut-être mal dit. Il y a une horloge biologique maîtresse qui a un rythme circadien d'environ 24 heures et qui est resynchronisée, qui est synchronisée en permanence par des synchroniseurs internes, endogènes et des synchroniseurs exogènes. Extérieur à notre organisme, et parmi ces synchroniseurs exogènes, le plus puissant reste l'alternance naturelle du jour et de la nuit entre mais lumière sans, et obscurité. Sans lumière, on a une horloge qui finalement se décale de jour en jour et qui ne se resynchronisera pas. Une question à ce propos tout de même, je le disais au tout début de l'émission, Singapour, ville la plus lumineuse au monde, à tel point que la vision nocturne scotopique est affectée chez les habitants. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on n'a plus le sentiment justement de la nuit à aucun moment quand on vit à Singapour. Ouais, en fait notre œil fonctionne avec différents types de cellules, les cellules cônes, les cellules bâtonnets. Donc on a une vision photopique la journée, une vision mésopique dans le méso, un moyen dans ce moment entre chien et loup, hein, entre lumière et obscurité, et une vision scotopique la nuit. Donc effectivement, ça ne pas activer la vision scotopique, ça veut dire que les habitants de Singapour ne connaissent pas l'obscurité naturelle. Sauf à recréer une forme d'obscurité, et c'est d'ailleurs des choses qui commencent à être mises en marché dans ces pays-là. Hein. On vous vend des séjours de nuit, comme on vous vend des séjours au calme. Maintenant, on va vous vendre des séjours d'obscurité, en fait. On va essayer de regarder un peu les solutions et de savoir comment se prémunir de cette pollution lumineuse. Et puis, on va commencer, bien comme tous les mercredis, en retrouvant notre doctorant du jour pour la recherche montre en main. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Well. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse, rattaché au laboratoire Ambiance, Architecture, Urbanité et au service éclairage public de Nantes Métropole. Votre thèse, c'est la pédagogie de la sobriété lumineuse. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Alors, eh bien, bonjour à tous. Effectivement, je suis architecte et concepteur lumière de formation et je réalise une thèse de doctorat sur l'éclairage artificiel en ville. C'est une recherche qui est menée en contrat CIFRE, partagée, comme vous l'avez dit, entre le laboratoire AAU et le service éclairage public de Nantes Métropole. Au laboratoire, je suis sous la direction de Laurent Lescope et je développe des méthodes et des outils liés à la consultation des citoyens sur un sujet précis, celui des ambiances urbaines nocturnes. Au service d'éclairage public, je contribue au schéma de cohérence d'aménagement lumière, un document de cadrage qui servira de référence pour les projets de rénovation et de création du parc lumineux de la métropole. Alors, ce schéma de cohérence d'aménagement lumière est l'un des outils pédagogiques liés à la sobriété lumineuse. Au-delà de donner des éléments techniques destinés au service d'éclairage public de la métropole, il intègre des éléments de sensibilisation liés aux enjeux énergétiques, écologiques et sanitaires de l'éclairage artificiel. Il intègre des éléments scientifiques issus, par exemple des travaux de Samuel Chaléa ou encore de Romain Sordello. L'idée ici, c'est d'accompagner les transformations de l'éclairage vers des formes plus sobres, tout en réussissant à se saisir de l'ensemble des enjeux liés à la lumière artificielle. Au labo, j'interroge la façon dont les ambiances nocturnes en ville sont pensées, pratiquées et perçues. Le schéma historique, c'est celui-ci. Des experts techniques, scientifiques ou encore politiques pensent l'éclairage en termes de sécurité, de confort et plus récemment de mise en valeur. Les usagers ensuite pratiquent et perçoivent l'espace public au travers des configurations lumineuses que l'on a pensées pour eux. Ce que je fais, c'est que j'interroge les liens, les connexions entre l'espace public nocturne pensé par les experts et l'espace public nocturne pratiqué et perçu par les usagers. Quelles sont les relations? Pour explorer ces sujets, je mets en place des ateliers participatifs avec les citoyens volontaires. Pendant les échanges, je leur présente les enjeux actuels de la collectivité en termes d'éclairage public. Ensuite, je leur fournis des outils d'évaluation des ambiances nocturnes en ville. Des questionnaires, par exemple, ou des tables rondes autour de cartographie numérique. L'idée est de produire avec eux ce que l'on appelle des indicateurs sensibles. Pour ça, je les questionne sur les façons de pratiquer et de percevoir l'espace public la nuit. Plus précisément, je les interroge sur les moments où ils sont à l'extérieur. Sont-ils en train de travailler, de se déplacer, de faire des activités de loisirs ou bien autre chose encore? Ensuite, je leur demande si les ambiances qu'ils fréquentent sont agréables et surtout si elles sont adaptées à leurs activités du moment. Avec ces résultats, je dresse une cartographie sensible du territoire nocturne que je croise avec des cartographies techniques liées au matériel d'éclairage, à la voirie ou encore aux trames vertes et bleues. Cette carte sensible, elle me permet d'identifier les territoires nocturnes de la ville où l'éclairage est adapté ou non aux activités et aux temporalités des usagers. Finalement, mon travail interroge la place des pratiques et usages réels de l'espace public la nuit dans le processus de réflexion de l'aménagement nocturne de la ville. Aujourd'hui, on les considère comme des résultats des choix d'aménagement. Demain, est-ce qu'on pourrait les présenter comme des éléments de programmation ou de projet, en complément des sujets énergétiques, écologiques, sanitaires ou encore astronomiques? En un mot, la recherche de la pédagogie de la sobriété lumineuse revient, simplement, à étudier comment compléter le travail d'expertise politique et technique de l'éclairage avec une méthode et un outil qui permet l'introduction d'un nouvel interlocuteur, l'expert d'usage. Merci beaucoup Nicolas. Well, peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Samuel Chaléa? Oui, bah déjà ça m'a fait plaisir d'entendre Nicolas. c'est intéressant parce que ce que montre Nicolas, c'est qu'effectivement le métier même de concepteur lumière, la fabrique de l'éclairage urbain, au sens technique et politique, est en train d'évoluer. Elle a évolué, ça fait longtemps qu'elle évolue, ça fait déjà une dizaine d'années sous le coup des enjeux, des économies budgétaires et d'énergie, mais peu à peu, et son travail va y contribuer assez fortement, hein, cette notion de sobriété lumineuse, de pédagogie lumière, peu à peu, on va intégrer les enjeux environnementaux, écologiques, sanitaires, dans cette fabrique de l'éclairage urbain. Kevin Barret, c'est intéressant cette notion de sobriété lumineuse. On entendait Nicolas Well parler de trames vertes et bleues. Les trames vertes et bleues, c'est ces liens qui sont tentés d'être faits entre des différentes zones écologiques pour qu'il n'y ait pas de rupture d'habitat. Donc ce sont des trames vertes ou bleues en fonction que ce soit de la nature ou de l'eau. On parle aujourd'hui de trames sombres, c'est-à-dire que pour pouvoir avoir des endroits dans des villes où bien la sobriété, la lumière n'est plus une pollution, où on revient dans une espèce de corridor un peu dépollué de lumière. Alors ce qu'on appelle trame sombre, c'est pas tant d'avoir des zones en fait sans lumière, c'est plutôt des zones sans lumière connectées entre elles. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est quand même assez informatif de dézoomer un peu sur une carte de pollution lumineuse où on voit que finalement, ben pour des espèces migratrices par exemple, des oiseaux, des migrateurs à longue distance qui vont utiliser l'espace aérien pour et en particulier se repérer parfois à la lumière de la lune, de la carte du ciel étoilé, on se rend compte que ces sources lumineuses là, c'est des sources de désorientation. Et on a aussi la faune du sol qui se déplace. Bon, si je reviens sur les chauves-souris, hein, c'est des animaux qui utilisent réellement les paysages, les continuités écologiques, tels que les haies, les forêts, les lisières de forêt. Donc on a vraiment des animaux qui se déplacent dans cette matrice et la lumière en fait peut jouer un réel rôle de barrière au déplacement, avec toutes les conséquences qui s'en suivent évidemment en termes d'impact sur les populations potentielles. Ça, c'est quelque chose à l'heure actuelle qu'on maîtrise assez peu. C'est une des lacunes de la science. Hein. C'est un réel fond de science d'être capable de connaître l'impact sur les dynamiques de population, par exemple, de l'éclairage, au même titre que d'autres types de projets d'aménagement. Hein. On a cité tout à l'heure les routes, voilà, avec les collisions, événements de mortalité, etc. Et tout ça, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à quantifier à l'heure actuelle. Samuel Chaléa, sur ces trames sombres, sur cette notion de trames sombres. Ce qui est intéressant avec l'œil du géographe là-dessus, c'est qu'on est en train de changer en fait de modèle spatial dans la préservation de l'obscurité et dans la protection de l'obscurité. Et ça me donnera l'occasion de parler des réserves internationales de ciel étoilé, parce qu'effectivement, les réserves internationales de ciel étoilé sont un peu calquées sur des zonages de protection classiques, centre-périphérie, comme des parcs. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est que ces RIS, voilà, RICE, c'est réserves internationales de ciel étoilé. Donc ça, c'est un label porté par l'International Dark Sky Association, une association internationale de protection du ciel nocturne, et qui labellise des territoires, ou plutôt même des projets de territoires, hein, qui visent à réduire la pollution lumineuse au sein d'un territoire, et puis enclencher des programmes de sciences participatives, attirer le public pour l'observation, sensibiliser finalement à l'émerveillement devant le ciel étoilé, etc. etc. Par exemple, en France, des zones RIS comme ça, alors, il y en a beaucoup ? En France, on en a deux actuellement. Donc, une autour du Pic du Midi depuis décembre 2013, autour de l'Observatoire du Pic du Midi. Et puis une plus récente depuis août 2018 sur l'ensemble du Parc National des Cévennes. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on passe d'un label, enfin le label est cherché à la base par les astronomes qui veulent protéger un observatoire. Et puis, il commence à être convoité par le réseau des aires protégées. Donc ça veut dire que déjà, dans le sens du label, c'est en train d'évoluer. Ça n'est plus seulement un label. Enfin, il est en train d'évoluer, passer d'une protection du ciel étoilé vers une protection de l'environnement nocturne. Mais effectivement, cette vision de l'espace, enfin, ces réserves internationales de ciel étoilé, par exemple, ne sont pas connectées entre elles. Et même d'un point de vue touristique, on pourrait dire qu'elles prospèrent sur le terreau de la concurrence territoriale, parce que c'est aussi une manne touristique, le ciel étoilé, maintenant, au travers de ces réserves de ciel étoilé. Donc la trame, la vision réticulaire de l'espace et de la protection de la biodiversité, avec cette idée de réseau écologique sombre, ou de trame noire, de trame sombre, appelons-la comme vous voulez, c'est la connexion, mais du coup, ça nécessite, d'un point de vue politique et d'un point de vue de l'aménagement du territoire, de coordonner les acteurs à des échelles variées, depuis la commune jusqu'au département, région, à l'échelle nationale, voire européenne. C'est compliqué. On a le sentiment sur ces zones risques que ce sont des zones, effectivement, qui sont pour pouvoir profiter, soit des zones touristiques, enfin, en tout cas, que finalement, elles ne s'appliquent pas tant aux endroits où il y en aurait peut-être plus besoin, c'est-à-dire sur les grosses agglomérations, sur les endroits où la pollution lumineuse est très forte, parce que depuis le début, on parle d'éclairage public, mais on pourrait parler des devantures de magasins, de l'affichage publicitaire, de tout un accès à la lumière qui est un accès strictement privé. Je disais au début de cette émission que la France est très en pointe dans cette lutte. Est-ce que c'est le cas ? Quel est l'arsenal dont on dispose aujourd'hui en France pour limiter au maximum ces pollutions lumineuses, publiques comme privées ? Un rapide petit retour sur ce que vous venez de dire. Effectivement, les réserves internationales de ciel étoilé sont plutôt à considérer comme des zones de préservation de l'obscurité. La politique, une politique trame noire, une potentielle politique trame noire, un potentiel instrument d'action publique comme la trame noire, serait effectivement un instrument de lutte contre la pollution lumineuse dans l'ensemble des territoires. Pas seulement les territoires déjà d'ores et déjà préservés, mais les territoires ordinaires en direction de la biodiversité ordinaire. Hein, on a à Lille, par exemple, des collègues géographes, écologues, qui ont travaillé sur une trame noire urbaine. Alors, elle n'a pas été mise en œuvre, mais ils ont travaillé dessus. Ils ont conceptualisé la chose et puis commencé à travailler avec les acteurs. Du point de vue législatif, on est effectivement bien placé. On a un pacte législatif qui a évolué, qui s'est saisi du problème depuis le Grenelle de l'environnement, qui s'en est saisi par le prisme des économies budgétaires et qui maintenant arrive sur la question de la biodiversité, de la protection des paysages nocturnes, de la protection de l'environnement nocturne, et qui effectivement est très bien placé à l'échelle mondiale. On réduit, alors pas les intensités lumineuses, c'est un peu compliqué, c'est des dotations de lumière, c'est des lumens par mètre carré, donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas on plafonne la quantité de lumière qu'on installe, on encadre les horaires d'allumage d'extinction dans certaines zones ou de certains types d'espaces, notamment les parkings des centres commerciaux. Et puis, on donne des spécifications techniques sur les types de luminaires, sur l'orientation des luminaires, l'implantation, etc. Et cette législation, aujourd'hui, elle a une emprise sur l'éclairage privé, c'est-à-dire, je pense aux panneaux publicitaires, je pense aux devantures de magasins, je pense à tout cet éclairage qui fait partie de la pollution lumineuse et qui échappe stricto sensu à la sphère publique. Alors, les panneaux publicitaires et les devantures de magasins, c'est traité par la législation sur les enseignes et préenseignes lumineuses et puis sur l'arrêté bateau, Delphine Bateau du nom de la ministre, qui régule depuis 2013 les horaires d'allumage et extinction des éclairages intérieurs des magasins, et puis les enseignes et préenseignes sont du pouvoir de police du maire par le code de la publicité, sur les questions de publicité, donc c'est un peu plus compliqué à gérer, mais on va y arriver certainement à des horaires d'extinction, enfin on y est déjà, à des horaires d'extinction de la publicité lumineuse. Vous avez le sentiment l'un et l'autre aujourd'hui que cette problématique de pollution lumineuse, elle est donc en France, on a entendu, relativement prise en considération par les pouvoirs publics, mais qu'on commence à réduire un peu la voilure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend une carte du ciel nocturne français, il sera un peu moins allumé que le ciel nocturne d'il y a 5 ans, 10 ans, où on n'en est pas encore du tout là, Kevin Barret. C'est pas mon sentiment. Après, moi, j'ai plus une vision européenne, mais c'est clairement pas mon sentiment. Après, j'imagine que, enfin, ça serait bien, Samuel, que tu puisses revenir aussi sur le côté de contrôle. Comment est-ce qu'on contrôle l'application de la loi? Et ça, de ce que j'en comprends, en tout cas, c'est un point extrêmement délicat. On a effectivement, il faut pas penser que parce qu'on a une loi, le problème est résolu. Il reste tout le contrôle, toute la problématique de l'application de la loi et du contrôle de l'application de la loi qui effectivement fait défaut, hein, puisqu'on est dans une surenchère législative en ce moment et que les communes voient leurs moyens diminuer, ils peuvent pas tout contrôler. Et donc là, on va avoir un problème clairement dans les années à venir de contrôle de l'application de ces lois, de ces nouvelles normes d'éclairage. Je parlais au tout début de cette émission de l'initiative de la communauté de communes de Genève, hein, qui donc demain soir va tout éteindre, ou en tout cas va essayer d'éteindre au maximum sur en tout 209 communes de l'agglomération genevoise. En France, il y a un événement au niveau national qui s'appelle le jour de la nuit, le 12 octobre. Vous pouvez nous en dire un mot? Ouais, alors le jour de la nuit, c'est un événement qui a lieu depuis maintenant plusieurs années, une fois par an, et l'enjeu, c'est effectivement, hein, c'est de sensibiliser dans les communes et le grand public autour de la préservation de l'environnement nocturne d'une façon générale. Hein, c'est pas la nuit des étoiles. Voilà, c'est le jour de la nuit avec les enjeux écologiques, les enjeux sanitaires, aussi les enjeux socioculturels de notre capacité dans les années à venir à pouvoir continuer à s'émerveiller devant une voûte étoilée. Mais c'est vraiment une manifestation très généraliste et qui vise à sensibiliser le grand public. Donc allez-y, n'hésitez pas. Un mot peut-être pour conclure. Est-ce que justement, à titre individuel, il est possible de faire quelque chose, soit d'interpeller sa municipalité, soit de soi-même faire quelque chose pour contribuer à cette réduction de la pollution lumineuse? Oui, et d'autant plus avec la publication depuis décembre 2018 des arrêtés d'application des lois Grenelle sur la question des nuisances lumineuses et des pollutions lumineuses. Tout un chacun peut veiller à l'application des règlements, et c'est d'ailleurs un des gros travaux aussi fait par les associations environnementales. Je pense à France Nature Environnement Midi-Pyrénées par exemple, qui doit suppléer, qui doit venir en appui pour faire respecter les règles, les normes à la place des élus qui sont dépourvus. Merci beaucoup. Le jour de la nuit, en tout cas, c'est le 12 octobre prochain. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Kevin Barret. Merci à Nicolas Well pour avoir présenté ses travaux. Merci à Samuel Chalea. Je rappelle Sauver la nuit, comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. C'est aux éditions Premier Parallèle. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Eve Etienne, Natacha Trio, Alexandra Delbo, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guélil aujourd'hui à la technique. Demain, nous reviendrons sur le parcours singulier d'une femme dans les domaines des sciences, et pas de n'importe quelle femme, Ada Lovelace, première informaticienne qui a posé les prémices de l'ordinateur, et c'est même l'autrice Catherine Dufour qui viendra nous en parler. Raison de plus pour ne surtout pas rater l'émission de demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.